Le feu jaune annonce le feu rouge. Je dois donc m'arrêter. Cependant, une tolérance est accordée quant au franchissement du feu jaune si la situation de conduite présente un danger. Par exemple, lorsque le conducteur est trop près des feux pour pouvoir s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Dans le cas présent, j'ai suffisamment d'espace pour ralentir et m'arrêter sans risquer un accrochage avec l'usager qui me suit de près. Réponse B.